Combien l'abord de Paris démentit l'idée que j'en avais. La décoration extérieure que j'avais vue à Turin, la beauté des rues, la symétrie et l'alignement des maisons, me faisaient chercher à Paris autre chose encore. Je m'étais figuré une ville aussi belle que grande, de l'aspect le plus imposant, où l'on ne voyait que de superbes rues, des palais de marbre et d'or. En entrant par le faubourg Saint-Marceau, je ne vis que de petites rues, sales et puantes, de vilaines maisons noires, l'air de la malpropreté, de la pauvreté, des mendiants, des charretiers, des ravaudeuses, des criaises de tisane et de vieux chapeaux. Tout cela me frappa d'abord à tel point que tout ce que j'ai vu depuis à Paris de magnificence réelle n'a pu détruire cette première impression, et qu'il m'en est resté toujours un secret dégoût pour l'habitation de cette capitale. Je puis dire que tout le temps que j'y ai vécu dans la suite ne fut employé qu'à y chercher des ressources pour me mettre en état d'en vivre éloigné. Tel est le fruit d'une imagination trop active, qui exagère par-dessus l'exagération des hommes, et voit toujours plus que ce qu'on lui dit. On m'avait tant vanté Paris, que je me l'étais figuré, comme l'ancienne Babylone, dont je trouverais peut-être autant à rabattre, si je l'avais vu, du portrait que je m'en suis fait. La même chose m'arriva à l'opéra, où je me pressais d'aller le lendemain de mon arrivée. La même chose m'arriva dans la suite à Versailles. Dans la suite encore, en voyant la mer. Et la même chose m'arrivera toujours en voyant des spectacles qu'on m'aura trop annoncés. Car il est impossible aux hommes, et difficile à la nature elle-même, de passer en richesse mon imagination.